il a laissé tout ce grand de ce monde. Il n'est venu que pour me chercher. Mais pourquoi il a laissé tout ce grand de ce monde? Il n'est venu que se révéler à moi. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Oui, voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Qui revient bientôt Jésus. Mais dans tout, il m'a dit d'être prêt. S'enivrer et commettre des péchés. Il m'a dit, oh fils, cette génération ne passera pas. Quand les autres s'enivrent et commettent des péchés, il m'a dit, oh fils, cette génération ne passera pas. Sa grâce, il m'a élu dans son amour, il m'a chuchoté à l'oreille, qui revient bientôt Jésus, mais dans tout il m'a dit d'être prêt. Cherche encore de l'huile. Il m'a dit, regarde Malachi 4. Quand les autres cherchent encore le Saint-Esprit, il m'a dit, regarde dans le message. C'est là qu'il y a tout. C'est là qu'il y a tout. Il m'a aimé par sa grâce, il m'a élu dans son amour, il m'a chuchoté à l'oreille, qui revient bientôt Jésus, mais dans tout il me dit d'être prêt. S'enivre et commette des péchés. Il m'a dit, oh fils, cette génération passera pas. Quand les hommes cherchent encore des signes, il m'a dit, regarde Los Angeles. Or voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Qui revient bientôt Jésus. Mais dans tout, il m'a dit d'être prêt. Cherche encore des signes. Il m'a dit, regarde Los Angeles. Quand ça va s'écouler, quand ça va s'écouler. Oui, il me l'a dit, à l'oreille il me l'a dit. Mais pourquoi seulement moi? Oui, pourquoi seulement moi? Oh, il m'a aimé par sa grâce, il m'a élu dans son amour, il m'a chuchoté à l'oreille, qui revient bientôt Jésus. une ruine soudaine. Les surprendra tous, les surprendra tous. Oui, il me l'a dit, à l'oreille il me l'a dit. Mais pourquoi seulement moi? Oui, pourquoi seulement moi? Oui, voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour.